بسم الله الرحمن الرحيم نون الله l'infiniment miséricordieux qui fait largement miséricorde à ses serviteurs. L'ensemble des louanges reviennent de droit à Allah. Demande de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que les membres de sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous avons entamé ensemble un exposé des signes de la véracité de Mohammed. Qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu que cet exposé peut se présenter sous divers angles. Premièrement, au niveau de son éloquence, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, au niveau des informations qu'il donna sur des événements qui se déroulèrent comme il l'annonça. Troisièmement, au niveau des signes que les compagnons, c'est-à-dire ses compagnons, qu'Allah les agrée tous et sans exception, radiyallahu anhum ajma'in. Donc, au niveau des signes que les compagnons ont pu percevoir à l'aide de leur propre sens. Et quatrièmement, au niveau des différentes législations qu'il apporta et qui sont au-dessus du pouvoir humain. Nous avons également vu que est inclus dans ce second point, c'est-à-dire les informations qu'il donna sur des événements qui se déroulèrent, comme il l'annonça, un sujet d'une très grande importance et d'une grande sensibilité également, qui concerne les miracles scientifiques de manière générale et les miracles médicaux de manière plus spécifique. C'est ce que l'on appelle al-i'jaz. Al-i'jaz al-ilmi, les miracles scientifiques, et al-i'jaz al-tibbi, les miracles médicaux. Nous avons déjà précisé que nous visons par le terme miracle les preuves présentes dans les textes du Coran et de la Sunna qui indiquent la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réduisant à l'impuissance ses détracteurs. Et nous visons par le terme scientifique dans ce contexte-là, quand nous parlons de miracles scientifiques, ce qui relève de la science expérimentale et non de la science religieuse de laquelle sont tirés les jugements religieux selon lesquels telle ou telle chose est religieusement obligatoire ou recommandée ou encore interdite ou réprouvée. Donc, quand nous parlons ici des miracles scientifiques, nous parlons de ces signes qui sont présents dans les textes de la Sunna et qui ont ensuite été confirmés par la science expérimentale. Donc il y a une base ici qui est religieuse, que l'on trouve dans les textes, et ensuite la validité de ces informations-là, à propos desquelles nous n'avons aucun doute, a été validée par les recherches expérimentales. Et nous allons ici essayer de mettre en évidence quelques exemples de ces textes contenant des informations relatives à des choses qui n'ont été découvertes que plus tard par les recherches expérimentales, ce qui met en évidence la véracité de ce prophète illettré, sallallahu alayhi wa sallam. Attirons tout d'abord l'attention vers plusieurs points importants relatifs à ce sujet. Premièrement, les hadiths relatifs à la médecine relèvent de la révélation, al-wahi, et non de l'expérimentation, al-tajriba. Il en découle le fait que nous y apportons une foi convaincue, sans chercher à les confirmer par des recherches et études expérimentales, à partir du moment où la transmission du texte rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentifié, nous y apportons une foi convaincue sans attendre que cela soit confirmé par des recherches et études expérimentales. Deuxièmement, parler des miracles de la sunna présents dans les hadiths dépend de l'authenticité de la transmission de ces derniers. Troisièmement, il ne faut pas s'empresser de donner des sens au hadith avant d'être habilité à le faire. En effet, bon nombre de gens donnent des sens à des hadiths qui peuvent être authentiquement rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité ces sens n'ont pas été visés par ce dernier sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième point, les hadiths prophétiques devancent la connaissance humaine et les découvertes expérimentales. Il est à ce titre plus intéressant et utile de partir de ces textes pour mettre en évidence leur concordance avec les études scientifiques rigoureuses que de se perdre dans le scrutement des découvertes scientifiques, qu'elles soient anciennes ou contemporaines, pour chercher ensuite à les faire concorder avec des textes du Coran et de la Sunna, alors que bien souvent, les dites découvertes ne sont que des théories qui, par définition, sont abstraites. Par définition, une théorie est abstraite. Cinquième point, les hadiths prophétiques n'ont pas pour objectif premier d'exposer des faits scientifiques et médicaux, dans le sens où la Sunna n'est pas un recueil de physique, de chimie, de médecine ou d'astronomie. Mais souvent les déclarations prophétiques liées à ces sujets-là interviennent dans un ensemble d'informations et d'annonces, ou dans un contexte particulier qui se prêtait à telle ou telle déclaration. Après avoir abordé ces quelques points importants, je vous renvoie pour plus de détails vers le livret très instructif du Cheikh Mohamed Bazmoul intitulé « Al-I'jaz al-ilmi » fi sunna. Après avoir donc abordé ces quelques points, nous allons à présent entrer dans l'exposé de quelques hadiths servant ici d'exemple, mais dont la mention n'a pas pour finalité de les citer de manière exhaustive et complète, mais uniquement donc afin de citer certains exemples et d'ouvrir certaines portes vers l'approfondissement de ce sujet très important. Donc, premier exemple, ce hadith qui a été recueilli par Muslim dans son authentique. D'après Abu Huraira, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure dernière ne surviendra pas avant que les biens ne se soient multipliés et n'aient abondé, à tel point que l'on en viendra à chercher à s'acquitter de la zakat liée aux biens sans trouver quelqu'un pour l'accepter. L'heure dernière ne surviendra pas avant que le territoire des Arabes ne soit redevenu constitué d'herbages et de cours d'eau. Ce fait a d'ailleurs été attesté par les géologues, qui affirment qu'effectivement la péninsule arabique était jadis formée de pâturages et de cours d'eau. Cette péninsule arabique, qui à l'heure actuelle est majoritairement désertique, était effectivement jadis formée de pâturages et de cours d'eau. Les géologues affirment également qu'elle va redevenir ainsi au vu des évolutions de son sol, comme en témoignent certaines découvertes faites notamment par le biais de puits, artésiens. Et tout cela donc conformément à ce qu'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, selon ce qu'ont recueilli Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure dernière ne surviendra pas avant qu'un feu issu du territoire d'Al-Hijaz n'illumine le cou des chameaux de Bousra. Bousra, c'est une ville de Grande Syrie. Et ce feu est effectivement apparu au milieu du 7e siècle de l'Hégire, plus précisément le vendredi 5 du mois de Jumada, Al-Akhira de l'an 654. Comme en ont attesté plusieurs érudits de l'époque, tels que Al-Nawawi et Al-Qurtubi, suivi dans ce témoignage par d'autres érudits qui sont venus plus tard, tels que Ibn Kathir et Ibn Hajar, qui ont rapporté également cette chose-là. Et effectivement, on trouve dans les descriptions qui ont été faites de cet événement qui a eu lieu au 7e siècle de l'Hégire, une concordance parfaite avec ce qu'avait annoncé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs siècles auparavant. Ce bref exposé, ici on a cité uniquement deux exemples, pourrait être complété par une multitude de hadiths contenant l'annonce de signes précurseurs de l'avènement de l'heure, plus particulièrement certains signes déjà apparus, et mettant en évidence certains miracles scientifiques de la Sunna, et on pourrait notamment revenir vers le livre Ithafu al-Jama'a du noble Cheikh Hamoud Touayhiri, Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Continuons à citer certains hadiths, toujours relatifs à ce sujet, les miracles scientifiques présents dans la Sunna. L'imam muslim a recueilli dans son authentique, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La purification du récipient de l'un d'entre vous, lorsqu'un chien y a lapé, donc lorsqu'il y a introduit sa langue afin d'y boire, et de le laver sept fois, la première d'entre elles, avec de la terre. » Il a ensuite été prouvé par les sciences expérimentales que, effectivement, la salive du chien contient un microbe nuisible que seule la terre peut tuer. Donc, l'eau ici ne suffit pas. L'imam al-Bukhari a recueilli dans son authentique d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'une mouche tombe dans la boisson de l'un d'entre vous, qu'il l'y plonge totalement et qu'il ne l'enlève pas, car l'une de ses deux ailes contient un mal et l'autre un remède. » Certaines personnes, donnant prééminence à leur raison, ont remis en question ce hadith, en prenant connaissance du fait que la science expérimentale avait prouvé que les mouches transportent des impuretés. Alors que peu de temps après, ce qu'avait affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été prouvé par d'autres études scientifiques, et que c'est en plongeant totalement la mouche dans la dite boisson que le remède que contient l'une de ces deux ailes éradique le mal contenu dans l'autre. Autre exemple, ce hadith recueilli cette fois-ci par l'imam muslim dans son authentique, d'après Aïcha, radiyallahu anha, selon qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'anatomie de chaque descendant d'Adam est composée de 360 articulations. C'est ainsi que quiconque attestera de la suprématie d'Allah et lui adressera toutes les louanges, attestera de son unicité, de sa pureté, et lui demandera pardon, et écartera une pierre du chemin emprunté par les gens, ou une épine, ou encore un os, ou ordonnera un bien, et condamnera un mal, un nombre de fois équivalent à la quantité de ces 360 articulations, marchera, ou arrivera au soir de cette journée, en ayant éloigné sa personne de l'enfer. » Et effectivement, les études ont prouvé que l'anatomie de l'être humain est bel et bien composée de ce nombre d'articulations. On peut également citer dans ce chapitre un ensemble d'enseignements tirés de recommandations et pratiques prophétiques liés à l'entretien de la santé et liés à la médecine. Il faut savoir que la supériorité de la médecine prophétique est attestée. Elle relève, comme nous l'avons vu, de la révélation divine, et non d'analogies, expériences, inspirations, rêves ou autres intuitions. Là aussi, développer ce sujet nécessiterait du temps. Contentons-nous donc de quelques indications, afin de donner un aperçu de ce que nous visons, et d'ouvrir des portes vers plus d'approfondissement, et je vous invite notamment à revenir vers le long chapitre dédié à la médecine prophétique du livre composé par le grand érudit Ibn Qayyim al-Jawziyya et intitulé Zad al-Ma'ad. Et bien souvent, ce chapitre a été édité de manière isolée sous le titre de At-Tibb al-Nabawi, la médecine la médecine prophétique. Et ici, donc, on va se contenter d'aborder uniquement certains exemples, en commençant par la consommation du miel et le recours à l'incisiothérapie, al-hijam. L'imam al-Bukhari a recueilli dans son authentique, d'après Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La guérison réside dans trois choses. La gorgée de miel, l'incisiothérapie et la brûlure du cautère. » Il faut savoir que la cautérisation, c'est le fait d'appliquer un fer chaud sur une blessure afin de favoriser la cicatrisation et également de tuer les éventuels microbes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la guérison réside dans trois choses. La gorgée de miel, l'incisiothérapie et la brûlure du cautère, bien que je réprouve que les membres de ma communauté aient recours à la cautérisation. Entrer dans le sujet de la cautérisation serait long, étant donné qu'il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés dans ce sujet, et il convient ici d'avoir une vision globale du sujet pour comprendre ce qu'il en ressort. Ici, on va essentiellement donc se concentrer sur le sujet de la consommation du miel et du recours à l'incisiothérapie, al-hijam. Les bienfaits du miel sont unanimement reconnus, et les études contemporaines ne cessent de mettre en avant les profits à en tirer, aussi bien dans la prévention que dans le traitement. Il en est de même pour l'incisiothérapie, bien que cette pratique soit remise en question par certains individus inexpérimentés. Il n'en reste pas moins que ses vertus sont confirmées par plusieurs études rigoureuses, à tel point que de plus en plus de gens y ont recours actuellement, présentant cela comme étant la thérapie par les ventouses. On peut également citer comme exemple, ici, la consommation du costus indien ou marin, al-qust al-hindi ou al-qust al-bahri. Al-Bukhari Muslim ont recueilli un hadith rapporté par Anas, selon qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleures des choses par lesquelles vous vous soignez sont l'incisiothérapie » on retrouve donc ici al-hijama, l'incisiothérapie, et le costus marin. L'imam Ahmed a recueilli dans son Musnad, de même que Al-Bukhari dans son authentique, d'après Ummu Qais, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ayez recours à ce bois indien, car il contient la guérison de sept types de maladies, parmi lesquelles la pleurésie. » La pleurésie, donc, c'est une inflammation de la plèvre qui provoque donc des douleurs, notamment au niveau de la poitrine. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit ayez recours à ce bois indien. Donc effectivement, al-qust, donc c'est un bois qui est originaire d'Inde et qui donc est appelé indien, et il est de plusieurs sortes, et il est une sorte qui est appelée marin. Du fait qu'il était acheminé par voie marine. Et il contient la guérison de plusieurs maladies, comme l'a exposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a notamment pour fonction de renforcer le système immunitaire. Et je vous renvoie vers les références que j'ai pu citer afin de prendre connaissance de ces différentes vertus. Également, on peut aborder comme exemple l'utilisation du siwak. Al-Bukhari et Muslim ont recueilli dans leurs authentiques respectifs que d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si ce n'était la crainte de mettre les membres de ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pour chaque prière. » Ils ont également recueilli que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'a rapporté de lui son compagnon Hudayfa frottait sa bouche à l'aide d'un siwak lorsqu'il se levait pendant la nuit. L'imam Ahmed, ainsi que Al-Bukhari, de manière suspendue dans son authentique, ont rapporté que d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du siwak, il est une purification pour la bouche et il provoque l'agrément du Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le siwak pour se frotter la langue, comme cela a été rapporté par son compagnon Abu Moussa, qu'il a vu un jour tellement insister dans cela que c'était comme s'il allait vomir. Et il a justement été prouvé par plusieurs études scientifiques que la mauvaise haleine réside sur la langue. C'est pour cela qu'il est actuellement préconisé de se frotter la langue. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont mis sur le dos de certaines brosses à dents une partie un peu rugueuse qui a pour fonction donc de gratter la langue afin de faire partir la mauvaise haleine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait le siwak à de nombreuses occasions, y compris dès qu'il entrait chez lui, comme l'a rapporté son épouse Aïcha radiyallahu anha, et comme cela est recueilli par Muslim dans son authentique. Il a même dit un jour à ses compagnons, je vous ai énormément parlé du siwak, comme cela a été recueilli par Muslim dans son authentique. Et juste avant de mourir, alors qu'il était sur le point de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on lui présente un siwak. Et le meilleur des siwak est celui qui est pris du bois d'arak. Son utilisation recèle de nombreux profits pour l'entretien de la santé bucco-dentaire, qui par ailleurs a un impact sur la santé de tout le corps, mais aussi sur l'état général du corps et du cœur. Et là encore, je vous renvoie vers le chapitre dédié à la médecine prophétique du livre Zad al-Ma'ad du grand érudit Ibn al-Qayyim. L'écorce du siwak est également bénéfique pour l'estomac. C'est pour cela qu'il est intéressant et bénéfique d'avaler cette écorce-là plutôt que de la recracher. Et ces réalités-là sont connues des musulmans depuis des siècles et des siècles, et ils ont appris cela de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant on peut trouver sur le marché ce qui est présenté comme étant le bois d'arak et bien évidemment, on se garde bien de renvoyer cela vers l'islam et ses enseignements. D'ailleurs, il serait intéressant ici de s'intéresser, de se pencher sur l'origine de plusieurs traitements auquel la médecine occidentale a recours de nos jours, pour se rendre compte que bien souvent on retrouve cela chez les médecins musulmans qui exerçaient il y a plusieurs siècles de cela et qui tiraient leurs enseignements de l'héritage prophétique. De nombreux autres remèdes et traitements pourraient être cités ici. On pourrait parler de l'urine de chameau, on pourrait parler du lait de chamelle et d'autres traitements, mais l'objectif annoncé est uniquement d'apporter quelques indications. C'est pour cela qu'on va s'en tenir à ce bref exposé pour aujourd'hui. Et Allah est plus savant. Je vous demande de couvrir de l'âge et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que les membres de sa famille et l'ensemble de ses compagnons et l'ensemble des louanges sont adressées à Allah, le Seigneur souverain des mondes.